Vous l'attendiez et c'est, oh oui, le grand retour. On est début octobre, déjà tôt le soir, il commence à faire noir, ce qui veut dire que l'automne frappe de plus en plus à notre porte. Alors, plutôt que de me morfondre dans mon célibat et mon abstinence, disons, ludique, je fais tourner la musique. Aujourd'hui, des commentaires idiots, comme d'habitude, une possible montée de lait, vous savez que vous en venez une, et de la musique. Vous êtes prêts? On brasse la cacane. Et c'est parti, on part. Pssht! Version célibataire, The Prenets officiel podcast automnal, avec une chanson qui nous alerte que, ben, que l'hiver arrive assez vite, là. La belle Margot qui s'y promène en bikini près de la fontaine. Comment oserais-je l'aborder? Je sors de l'eau, je suis toute trempée. L'effet de l'eau frette dans mes caleçons réduit de moitié mes dimensions. Je crois que je vais attendre un peu avant de lui faire le grand jeu. Il est temps que le temps vienne, que t'arrêtes de regarder ta graine. Il est plus que temps, je pense, que tu commences tes semences. La belle Margot sur l'eau se penche et le processus se déclenche. Comment oserais-je aller la voir? Dans mon speedo, il y a une tour d'ivoire. Je pense au baseball pour faire taire la bosse qui transforme mon bas-ventre en rhinocéros. Et pour me donner du courage, je me rappelle ce vieil adage. Il est temps que le temps vienne, que t'arrêtes de regarder ta graine. Il est plus que temps, je pense, que tu commences tes semences, que tu lâches ton adolescence. La belle Margot qui s'y fait bronzer et moi je me concentre à dégonfler. Quand un grand six pieds bodybuildé se propose pour la crémer, je pense que je vais passer mon tour. C'était pas le bon jour pour le grand amour. Je vais plutôt me louer une vidéo et ma manette en main, je chanterai bien haut. Il est temps que le temps vienne, que t'arrêtes de regarder ta graine. Il est plus que temps, je pense, que tu commences tes semences. Il est temps que le temps vienne, que t'arrêtes de regarder ta graine. Il est plus que temps, je pense, que tu lâches ton adolescence. Il est temps que le temps vienne, que t'arrêtes de regarder ta graine. Il est plus que temps, je pense, que t'arrêtes de branler dans le manche. Bon, le message est-il passé, là? C'était Mes aïeux et le temps des semences qui vous disait, vous avez sûrement tous compris le message subtil, qu'il faut jamais oublier de planter son blé si on veut pouvoir le récolter à la fin de l'été. Qu'il y a toujours un gros épais plein de muscles pis pas de cervelle pour te voler la fille que tu veux. Que c'est le temps de faire des bébés pis de fourrer ton bébé. Bon, anyway. Comme je vous disais, c'est la version célibataire du podcast. Parce que l'automne arrive et que je me sens moi-même tout seul dans ce grand froid du nord qui va nous glacer le sang à tout le monde. Bouhouhou. Je me suis dit, j'étais probablement pas tout seul sur la planète de demain. Donc, ben, je me suis dit, c'est ça, genre, c'est style sérieux, faudrait peut-être se matcher. Donc, je vais vous proposer un petit truc bien simple, ça va être les petites annonces amoureuses de Sprenet. Célibataire? Envoyez-moi un court texte de présentation, je vais en faire la lecture ici même. Pas célibataire? Soit vous êtes croche, ou soit vous avez eu la merveilleuse idée de vous inventer un personnage pour m'envoyer un texte bidon, mais toujours comique. Ce qui est un exercice très intéressant. Si je reçois plusieurs demandes, ben peut-être que je vais jouer les courriers du cœur, et grand cupidon que je suis, je vous laisse imaginer le reste. Et puis, ben, pour vous faire imaginer un peu d'autre chose, qu'est-ce qui pourrait arriver, je vais vous laisser sur une chanson qui, selon les dires de certains, est qualifiée de parfaite pour la baisse. Avec un down tempo, des petites musiques arabes, et tout, tu imagines une belle petite chanteuse, danseuse, pardon, de baladie qui se déhanche devant toi, et qui laisse aller tous ses charmes. Anyway, moi j'aime beaucoup cette chanson-là, pas juste pour la baise, j'entends que c'est bon en dehors aussi. La tune c'est Del Ruba ou Del Ruba, j'ai aucune idée. C'est le remix XL de Junkie et la tune originale vient de Niaz, je vous laisse imaginer. ça coupe un peu raide, hein? Bon, c'est pas tellement grave. Êtes-vous revenu de votre coin sombre, là, bande de pervers finis? Superbe, c'est comme la voix de Niaz, hein? Donc, j'aurais une autre annonce à faire. Depuis que j'ai entendu le voyou du Bayou, et si vous savez pas c'est qui, vous avez juste à taper sur Google, là. Donc, depuis que j'ai entendu parler du courrier du cœur de Louise Deschâtelet, je me suis dit que moi aussi, dans le fond, j'aimerais ça être la coqueluche des âmes en peine. Donc, si vous suivez mon raisonnement et que vous vous sentez perdu, envoyez-moi un petit courrier, ça va me faire plaisir d'y répondre ici même. On va s'entendre aussi tout de suite que c'est un exercice à caractère semi-sérieux. Donc, ce sera aussi le type des réponses. Mais encore une fois, on peut avoir bien du plaisir si vous sentez l'âme en peine encore, mais surtout imaginative. Et puis bon, tant qu'à être dans les trucs de cœur brisé et de couple en peine, assez pour s'humilier publiquement dans les journaux de Québécois, une petite chanson de circonstance. La toune, c'est Celebrate du groupe Mosquito, c'est sur l'album Black Electro, et je vous laisse à l'écoute. L'attendiez, hein? Vous êtes ici juste pour ça. La donnée montée de lait du lapin blanc. Oh, bâtard, que vous avez jamais vu un lapin aussi blanc et avec les yeux aussi rouges pogner les nerfs de façon sans raison aussi apparente, hein? Puis vous aimez ça, en plus. Vous me répugnez, bande de nazis des années 2000. C'est pas grave. Je balance pareil. Première affaire. Je me suis forcé le cul en hostie pour voir un donné microphone pour améliorer la qualité de ce petit podcast-là. Puis tu sais-tu quoi, auditeur adoré qui aime entendre les gens pogner les nerfs pour rien? Mon petit trou de plug de micro sur mon portable, ben il marche pas, câlisse. 2 000 $ d'ordinateur portable pour que tout marche bien. Puis la seule astuce d'affaires qui est susceptible de pas être utilisée, parce que j'ai déjà un microphone poche built-in dans le case de l'ordinateur, ben il marche pas, câlisse. Fait que la prochaine fois que tu diras que la qualité de mon audio est pas bonne, achète-moi donc un autre ordinateur. Boy, puis c'est pas fini, hein? Oh que non. Il y a une autre affaire que j'ai besoin de vous dire, une affaire qui m'énerve en sacrament. Puis c'est en relation avec le thème célibataire du podcast, et ça s'adresse particulièrement à vous, mesdames. Ok, écoutez-moi bien. Approchez-vous, plus proche, tendez l'oreille. C'est quoi le trip d'être bisexuel? Ok, on va s'entendre sur une définition de bisexuel. C'est une personne qui couche avec les deux sexes. Parfait, on s'entend bien là. À cette heure, si vous avez vu un profil sur je sais pas trop quel site de rencontre sur Internet, puis vous marquez que vous êtes bisexuel, puis que la première hostie d'affaires que vous dites dans votre description, c'est pas d'homme, s'il vous plaît, c'est un message s'adresse juste aux femmes. On s'entend-tu qu'il y a un câlisse de problème? Soit vous êtes des hosties de saloperies d'agace, soit vous vous assumez pas que vous êtes homosexuel. Wake up, bitches! Vous avez pas l'air d'une meilleure corps à baiser. Vous voulez pas le faire. Une bisexuelle qui couche pas avec des hommes, c'est une homosexuelle. Sortez du placard au lieu de suivre des modes. Ah, puis il y a une autre affaire aussi que je suis pas capable avec les sites de rencontre. Tu sais, il y a des choses bien, bien évidentes dans la vie qu'on sait très bien qu'il faut pas dire. Ok, j'ai-tu un exemple dans la tête, là? Attends, j'y pense comme il faut. Oui, j'ai un exemple en tête. Si toi, femme, tu marques dans ta description, et je cite, « courageux, s'abstenir », on s'entend-tu que ça va pas faire peur à personne? Imagine-le bien, ok, c'est un topo, c'est pas comme ça. Imagine que moi, je suis courageux, puis je tombe sur ton profil. Je vas-tu me dire tout de suite, « Oh, si je peux pas y parler, je suis un courageux! » Ma semble, si wake up, là, c'est comme de dire que c'est pas original pour les hommes d'écrire qu'on aime un bon spectre du vin rouge. J'ai-tu le droit d'aimer cuisiner puis boire du vin rouge en paix, moi, Chris? Aïe, ah non, ok, donc sacrez-moi patience avec ce que j'ai pas le droit d'être. Puis voyez donc, je suis un bon cas à parler quand même, ok? Il me semble que... Da, fuck off, esti. Ok. Ok, pour se calmer les nerfs, on va terminer le podcast avec une toune qui est pas du tout dans le thème de célibataire, mais que j'aurais adoré tout particulièrement, là. Le groupe, c'est les Fatal Picard, les représentants de la France à l'Eurovision 2007. Ils vont nous chanter Goldorak est mort. Ah oui, vous le saviez pas, hein? Bon, ben, je vous laisse à l'écoute. Et d'ici le prochain podcast, portez-vous bien mes poussins et oubliez surtout pas les petites annonces du courrier du cœur de Spraynet. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. La calandre est super enfoncée et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle. On dirait dire ça à papa. Au centre, ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je crois que le Delco est pété. Allez, des couilles, je suis prince de fort. Quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après sur la petite route des boîtes, j'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au point. Pourtant c'était bien au xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak qui est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Comment je m'ai mangé le rebord. Et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Au contrôle technique, là, c'est râpé. Madame, pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, ouais, je sais, je suis habillé marrant. Au Japon, je fais 0-1 devant. Allons papa, j'ai un pépin. Je suis entre Ternier et Amiens. Ouais, ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah ok, il est sur la table, écoute. Écoute papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Bon, y'a des trucs plus importants. Putain, c'est... jamais vu de maman, mais tu ne l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère, parce que c'était le gros stratégère. Et voilà Goldora qui ment. Impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldora qui ment. Il est très éducable à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. J'ai c'est si cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator. Et il fait raquer.